Babé, écoute-nous parler, écoute-nous penser. Regarde-nous nous comporter sur le sol français. Observe-nous tout mélanger, le bon et le mauvais à l'année. Regarde-nous nous multiplier, nous diviser. Regarde-nous nous aimer, observe-nous nous détester. Regarde-nous pécher ou prêcher. Les crimes psychologiques sont pas jugés, alors on restera toujours librement enchaîné. Regarde la mode, regarde l'histoire du monde, regarde l'homme. Regarde-nous nous marcher sur les pieds. On a notre façon de manger, de prier, de s'habiller, d'assumer, de trimer, de briller, de rêver, d'oublier. À la longue, le passé te fait freiner. Les ghettos c'est des ex-colonisés. À l'heure où c'est fashion d'adopter des petits noirs à Hollywood, je te chante ma liberté, désolé de penser. Désolé pour vous si notre liberté est en désaccord avec votre société. Vous nous l'avez donnée, pourquoi vous le regrettez? Donner c'est donner, reprendre c'est voler, désolé. Notre liberté est en désaccord avec votre société. Vous nous l'avez donnée, pourquoi vous la regrettez? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Désolé de ne pas être le mouton que vous auriez souhaité. Je ne sais porter qu'une crinière. Nous promener dans la jungle, libre et loin de vos braconniers. Sans cage ni frontières, oui je sais que vous êtes choqués de voir notre manière d'éduquer, notre manière de prier, notre manière d'aimer. Pour qu'on puisse avoir la chance de notre côté, qu'on puisse avoir le luxe de choisir, qu'on soit plus obligé de suivre le chemin tracé par ces colonies qui ont fait qu'aujourd'hui on est synonyme d'assister. Mais tout cela a changé car tous nos diplômés sont venus nous venger. Désolé pour vous si notre liberté est en désaccord avec votre société. Reprendre c'est voler, désolé. Si notre liberté est en désaccord avec votre société. Vous nous l'avez donnée, pourquoi vous la regrettez? Donner c'est donner, reprendre c'est voler, désolé. Si on résume, si je vous crois, on n'est pas mieux ensemble. Alors que dans le meilleur comme dans le pire, on crèvera tous ensemble. Le temps des colonies a fait du mal dans le passé, a déployé la haine aux quatre coins du monde sans rien épargner. Je me souviens encore de Malcolm et Luther King, de leurs belles paroles qui font de nous des hommes sans se cacher dans des films. Déportés, peu accueillis, ils nous ont tendu la main, débordés par la fin de vivre, c'est une carotte qu'on a eue à la fin. Eh ben non, sois pas choqué de ce que je te raconte, pas étonné quand c'est les cordes immigrées qui saluaient les bombes. Tête en plomb, bac plus 5, toujours sans emploi. Comment veux-tu qu'un jeune de ce pays d'immigrés pète pas les plans? La liberté est un droit qu'on ne peut nous enlever, même si les lois sont forcément faites et nos droits sont bafoués. I still have a dream. Chat, où nous établirie Zilao. Plongé par le tabou et la mauvaise conscience de son passé colonial non assumé, la France ne sait plus comment évoquer ni gérer cette deuxième génération. Et puis il y a ceux qui sont nés chez nous et qui souvent ne parlent même pas leur langue maternelle. Ils ont perdu toute identité, ils ne seront jamais français. Ces jeunes refusent la situation de leurs parents et ils réagissent peut-être avec un peu plus d'agressivité. Désolé pour vous si notre liberté est en désaccord avec votre société. Vous nous l'avez donnée, pourquoi vous le regrettez? Donner c'est donner, reprendre c'est voler, désolé. Si notre liberté est en désaccord avec votre société. Vous nous l'avez donnée, pourquoi vous le regrettez? Donner c'est donner, reprendre c'est voler.